Ça y est, on a quelque chose à fêter. Il faut absolument qu'on fête cette victoire. Ouais. Nous avons 5 étoiles sur le podcast. Ah, nous avons notre officielle note sur Apple Podcast. C'est toi qui l'as fait? Bah non. Ah. Non, j'ai été voir l'autre jour parce que j'ai eu une couille dans les publications de podcast. Ok. Donc je voulais vérifier que l'épisode était en ligne. Eh bien, vous savez quoi? Non. J'ai scrollé plus bas. Ça y est, on a les 5 étoiles. Donc j'ai 5 amis qui ont été postés. Non, en vrai, ça va, on se porte bien. Il faudrait qu'on aille refaire un petit tour, voir si on a des nouveaux commentaires, parce que les derniers étaient fameux. Mais j'irai refaire un petit tour prochainement sur... Oui, parce que je leur demande des trucs parfois et... J'en ai un sous les yeux, là. Ah ouais? Finalement, je change d'avis. Ah, bon. D'accord. Ok. Je regrette d'avoir la notification chaque semaine. Je ne comprends pas qui sont ces gens. Pourquoi personne n'articule? Non, bah attendez. C'est pas très gentil. On va en lire d'autres. À quoi ça sert d'ouvrir les micros si de toute manière on comprend rien? Ah, oh, bah. Ok. Que fait la molaire? Ça semble être une question. Ah oui, mais le pseudo c'est Dentiste 12. Ah oui. Ah, je comprends mieux. Donc je pense qu'il y a quelque chose. Bon, bah merci pour vos gentils commentaires qui ont boosté notre ego pour démarrer cette émission. Ce que vous allez entendre est comme vous le pensez, du coup. Ça va, on rigole, c'était des faux commentaires, on a tout inventé, c'est pas vrai. On a quand même 5 étoiles. On a quand même 5 étoiles, c'est pas une blague. On va pas mytho là-dessus. Ça va, tout le monde est prêt? Oui. Tout le monde a chaud? Oui. Alors c'est bon, on peut démarrer l'émission. Starts now. Faut faire le plein de bonne humeur, ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h c'est direct, on va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Les bons délires, ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoule, tous les mercredis. Jadoule, dans la trappe. Jadoule, tous les mercredis. Jadoule, dans la trappe. 3, 2, 1, go! Tous les mercredis, la trappe avec Jadoul et toute son équipe en podcast. Wow! Bonsoir, bienvenue, on est en direct avec vous comme tous les mercredis soirs pour vous accompagner en plein cœur de la semaine. Cherchez, allez, faites le tour. Là, je vous autorise à zapper. Allez-y. Trouvez une seule émission qui est en direct. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Comment vous prouvez qu'on est en direct? Il faisait beau, il fait plus beau. D'ailleurs, on va fermer la fenêtre parce que sinon on va avoir des problèmes. Hop là, ce sera beaucoup mieux comme ça. J'espère que vous allez bien. On est le 1er mai et on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse aussi chaud. Non, oui. On ne vous le cache pas. Là, c'est chaud. C'est chaud. Ça promet pour cet été. On a encore 2 mois d'émission à tirer, je sais pas comment on va le faire. Mais j'ai oublié, ma maman, elle m'a passé un petit ventilateur à prendre. Maman, ma mère, c'est un petit. Non, il y a que pour moi. Mais comment ça? C'est un espèce de petit truc rose avec un lapin et elle m'a dit tu le prendras pour aller à l'émission. Donc, la semaine prochaine. Elle veut vraiment je que tu passes pour une. Oui, non. Isabelle, c'est pas bien ce que vous avez fait. Vas-y, t'auras l'air maline. Prends-le et mets un serre-tête avec. Enfin. Mais ceci dit, le ventilateur, on est preneur quand même. Hein. Mais il est minuscule, c'est un individuel, quoi. Ah, c'est sympa, ça. Ouais. Ou tu fabriques un éventail avec un bout de papier, ça marche aussi, hein. Ouais, mais faut secouer alors que le ventilateur, il fait tout seul. Ah oui, en plus fainéante, d'accord. Ça y est, oui. Toute l'équipe est là pour vous accompagner comme chaque semaine. À commencer, bon, moi, je vais pas me présenter, vous avez eu le générique, mais... Maëva? Oui. Bonsoir, comment bonsoir, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci, t'es la seule qui me le demande chaque fois. Kix? Bonsoir, comment tu vas? Ouais, c'est hypocrite. Comment ça? Hypocrite, il faudrait qu'on te fasse un t-shirt avec écrit ça. Il a un peu mal. Oui. La semaine dernière, il avait mal à la tête. La semaine d'avant, il avait un problème de gorge. Et là, cette semaine? J'ai un peu mal à une dent, voilà. Peut-être une rage de dent, je sais pas. Alors, je sais pas. Tu vois là où il y a de la lumière juste en face? Oui. Ah, c'est un dentiste? Oui. Arrête. Si, je te jure. Bon, j'y vais, je vous laisse. Mais alors, la dernière fois que j'y suis allé, vraie anecdote, je suis un peu flippé des dentistes. Un peu traumatisé. Et donc, je me suis cassé une dent avec de la purée. Ok. Et j'ai. Avec de la purée. Avec de la purée. Déjà le faire. Oui, bah oui. Et là, j'y vais. Après l'émission, tu vois, je vais dans le cabinet, là je m'installe, j'attends. Et là, je dis à la dame, écoutez, je sais pas si j'ai peur des piqûres, j'ai peur du dentiste, mais je suis pas à l'aise. il faudra me détendre, il faudra le faire avec beaucoup de tact. Je suis pas à l'aise, là je me sens pas bien. Oui d'accord, ok. Elle me pique, elle commence à m'endormir. Et puis, ah, attendez, je vais rajouter une dose. Et là, elle me met son énorme aiguille sous les yeux. Aïe, aïe. Et je vois ça de très très près. Et puis après ça, blackout. Je m'endors en fait, je pense que je m'évanouis. Et là, je fais toboggan sur son siège, tu vois. Okay, et je me retrouve au pied du siège, je pars terre affalé comme une... Voilà. Et là, je prends conscience et je me réveille et je vois la dame qui est paniquée, forcément. Moi, je suis blanc, je pars terre. Elle s'attendait pas à ça. Je me réveille, je fais « Madame, vous êtes dentiste. » Oui. Bien. Oui, tout à fait. Vous savez pourquoi vous êtes là? Non. Heureusement, c'est en face de chez moi, je suis rentré facilement. Mais ouais, enfin. 80 balles la piqûre. Mais oui, mais elle met quoi dans sa piqûre? C'est de la bonne. Bah, je pense qu'elle fait les chevaux aussi. Elle fait un peu de tout. Bienvenue, c'est là. Donc, la fête du travail. Mm-hmm. C'est ça, je crois. Oui, c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça, on est là pour travailler. Ah donc, bah, vous inquiétez pas. Moi, j'étais place Sainte-Catherine ce midi, j'ai été manger à un resto là-bas. Oui. Et puis, manif. Enfin, des gens avec des tambours, des trucs, des drapeaux rouges. Tu m'as vu? Ouais, je t'ai vu. Ah. Je t'ai fait signe, puis tu étais avec ta grosse caisse là. Enfin, bon, bref. Ouais, c'était chiant pour manger ça en terrasse. Mais ouais, grosse manif, journée du travail donc forcément. Et on a décidé d'avoir un invité pour démarrer cette émission. Vous voulez bien l'accueillir? Oui. Maëva, je te laisse l'accueillir peut-être. Oui. Il s'appelle Bertrand Dekkers. Il est avec nous. Ouais, il est là. Bonsoir mes petits chats, nous sommes le mercredi 1er mai et c'est ma journée. Je suis un amoureux des bêtes, hein, comme vous le savez. Oui, on est en plein cœur de la saison charnière où les animaux perdent leur gros pelage d'hiver contre leurs beaux poils d'été. On appelle ça la mue. Et comme je suis un guéluron, je récolte tous ces poils pour en faire des rembourrages pour vos oreillers ou des revêtements pour vos prochaines pantoufles. J'ai appelé ça la mue gay. La mue par un mec gay, joyeux. Recommandé par la grande cour royale de Grande-Bretagne, la mue gay, disponible par sachet de 500 grammes. Mais enfin, c'est comme si j'allais chez le coiffeur récupérer les cheveux au sol pour les revendre. Chérie, je pourrais te tondre le dos pour remplir un sac de poils, vilaine. De sérieux, Bernard? T'as rien d'autre à faire dans ta vie que d'être hautain et de faire des sacs de mue gay. Bah écoute, Régine, si t'as pas remarqué que t'avais quelqu'un qui fait de la télé devant toi, moi, tu me remets Place Royale. Ça te dit quelque chose? Comme on tente toute la saison en 3 jours, j'ai beaucoup de temps le reste de l'année. Je ne fais pas que la muguet, j'ai d'autres spécialités aussi. Ah ouais, lesquelles? En étant très attaché à la culture britannique, j'ai lancé le Big Ben. C'est un énorme sextoy, c'est ça? Pas du tout, cochonne. C'est une benne à ordures aménagée. La Big Ben est remplie de boue pour vous faire du bien à votre corps. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour vous, Bernard. Mais... Oui, c'est vrai, vous avez peut-être raison. Avec tout ça, j'ai plus le temps de swiper sur Grindr. Casting pour remplacer Jadoul. Allez-y. Jadoul vous dit bonsoir. Le son ne va pas assez fort. Oh, c'est pas terrible. Suivant. Faire du Jadoul, c'est comme faire un bon gâteau. Non, ça ne le fera pas non plus, désolé. Suivant. Tous les mercredis, Jadoul et sa belle fanfare pour le plaisir des oreilles. Bon, ben, tant pis, on va devoir garder l'original. Jadoul et son équipe. En podcast, tous les mercredis. Et on est bien content de vous accompagner. Attention, il est temps qu'on fasse notre pour toi de la semaine. Yes. Vous connaissez l'euro mignon? Oui. Oui. 5 chiffres, 2 étoiles. C'est le concept du jeu. Un article est sorti. Voici, attention, tenez-vous bien, les numéros qui sortent le plus souvent. Selon les statistiques, depuis 2020, le numéro 21 est celui qui est le plus tiré de tous les temps. Ok. Ensuite, il y a le 34, le 44, le 19, le 12. Du côté des étoiles, le 3 est le plus régulièrement tiré et le 11. Ok, c'est bon à savoir. Hier soir sur TF1. Sachez que le jackpot en jeu ce soir est de plus de 166 millions d'euros. Certains d'entre vous doivent déjà être en train d'imaginer tous les projets qu'ils pourraient réaliser avec une telle somme. Ah bah oui, 166 millions d'euros, Kix, tu fais quoi? Oh bah je sais pas, j'achète une nouvelle radio. À moi tout seul. Rachète une radio. Okay, je vous rachète. Je rachète le patron, je rachète. Vas-y. Bah, je rachète tout le monde. Ma boîte, ma société ne pèse pas autant. Tout. Donc tu pourras en avoir 12 de boîtes comme les. Bah voilà, bah, je fais x12. Allez, c'est bon. Il y aura le monopole. Maëva, 166 millions d'euros. Je fais plein de cadeaux à tout le monde et je pars en voyage. Tu sais que c'est comme ça qu'on passe de riche à pauvre. Ouais, c'est quand tu distribues, t'as une générosité. Après, elle a plus de limite. Hein. Oui, je sais, mais j'aime bien. Tu donnes, toi. Ouais. T'es comme ça, toi. Bah, ouais. Mais avant de s'emballer, vous le savez. Merci, Kix, qu'est-ce que tu voulais dire ? Je dis, c'est bien, on va rester potes. Super. Mais avant de s'emballer, vous le savez, il faut d'abord gagner. Ouais, il faut d'abord gagner, merci, avant de s'emballer. C'est certain. Bon, alors, on a noté ce qu'a dit l'article. Avec tous les numéros, là, qui sortent le plus souvent. Mm-hmm. Et on a décidé de jouer les numéros. Alors, selon l'article, le 12, le 19, le 21, le 34, le 44, le 3 et le 11, on a rempli notre petit billet et. Aucun numéro n'est sorti. Je me suis dit peut-être qu'il va nous annoncer qu'on est millionnaire. Non, là, je te jure, en direct, rien qui est sorti là. Bah, tant qu'à faire une expérience, autant jouer. Kix, toi, les numéros que t'as choisis hier soir avant le tirage. Oui, j'avais choisi le 15, le 22, le 34, le 37, le 48. Et pour les étoiles, c'était le 4 et le 7. Alors, résultat tout de suite de ce tirage. Voici, pour rappel, les numéros sortis à ce tirage Euromillions de ce 30 avril. Le 15, le 22, le 34, le 37 et le 48. Nos étoiles sont le 4 et le 7. Antoine, arrête. Pardon, c'était Antoine Libotte qui a encore voulu faire une imitation de Jean-Pierre Foucault. Non, sur le tirage officiel, il n'y a eu aucun bon numéro. Kix, hors-jeu, terminé. Alors, Maëva, t'es tous nos espoirs. Tout repose sur toi. Alors, on va se remettre dans les mêmes conditions que le tirage de hier soir. Comme si on était tous devant la télé, là, tous ensemble, d'accord ? Ok. Maëva, je te propose de valider petit à petit les numéros, si tu les as ou si tu les as pas. Ok. On écoute la speakerine. C'est le 24. Non. Le 47. Non plus. On découvre ensemble le troisième numéro, le 13. Non. C'est le 22. Oui. Ah. Enfin, cinquième et dernier numéro pour ce soir. C'est le 33. Non plus. Ah merde. Qu'un chiffre. On passe aux étoiles. Un jackpot de plus de 166 millions d'euros est à gagner, je vous le rappelle. Alors, on change de sphère. On va découvrir maintenant les étoiles. La première étoile est là. C'est la 5. Non, toujours pas. Super, t'es une étoile. Enfin, nous terminons avec la deuxième étoile. C'est donc la 1. Oui, ça je l'ai. Tu l'as ? Oui, du coup, ça y est, je suis millionnaire. Attends. Yes. Non, en fait, un chiffre, une étoile, ça ne rapporte rien. Ah. Mais, super. Bon, bah, si personne n'a ramené de thunes jusqu'ici, il reste que moi. Oui. Ah oui, mais... Allez, on y va. Alors moi, j'ai visé le 5, le 12, le 15, le 23, le 32, le 2 et le 12. Résultat, tout est dans le mur. Il n'y en a pas un de bon. Oh, purée. Bon, bah, c'est... non, on a été à perte, là, sur le coup. Je vous avoue que non, ça ne marchait pas. Alors que, pour info, si jamais j'avais écouté l'article, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire les chiffres qui sortent le moins souvent selon eux... Le 22, le 4, le 8, le 1, le 31, et pour les étoiles les moins fréquentes, le 5 et le 4. Sachez qu'on les a joués. Yes. Et on a le même résultat que Maëva, un chiffre et une étoile. Ah. Mais donc ça ne rapporte rien. Toujours pas. Donc quoi qu'il arrive, que vous choisissiez des numéros à vous, que vous choisissiez des numéros qui sont les plus tirés ou les moins tirés, bon, il faut avoir de la chance. En fait, c'est pour ça que ça s'appelle une loterie, je pense. Voilà, petit disclaimer, jouer comporte des risques et doit rester un plaisir. Jouer de manière responsable et ne buvez sans... Modération. Avec modération. Oui, ouais, on parlait pas d'alcool, qu'est-ce que tu fais ? Ah oui, pardon. Tous les mercredis, c'est avec un bon morceau de gâteau. Et c'est avec Jadoul. En podcast. Eh bien voilà, merci Simone. Tiens, et comment va Simone dans le fond du studio ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Rien. Qu'est-ce que tu fais ? Mais si, allez, mon petit clavier, tu faisais quoi ? Je regarde le foot. Pourquoi elle peut, elle ? Bah, parce qu'elle s'est pas engagée. Ça, c'est dégueulasse. Tiens, je te rends ton cadre. Pour ceux qui nous rejoignent, on a fait un cadre à Kix avec à l'intérieur une phrase qui nous a dit « Je ne regarderai pas le foot ce soir ». Pendant l'émission. Pendant l'émission. Maëva, tu seras notre avare. Non, notre VAR. Oui, parce que moi je vois ce qu'il fait. Voilà. Tu préfères pas que ce soit lui qui regarde le score. L'autre fois je l'ai pas dénoncé alors que je savais qu'il regardait le foot pendant l'émission. Oh, bah, la solidarité. Non, je suis pas une pookie moi. Je suis pas une pookie. Oh là là. Regardez là, tout ça parce que c'est son titre préféré. Allez hop, tu sais quoi? Allez, cadeau, tu sais, c'est jour férié comme t'es venu quand même. Bla bla bla bla pookie. Ferme la porte à la pookie dans le sac. Je t'imagine pas t'ambiancer dans ta voiture là-dessus. Parce que c'est pas le cas, c'est pas là. Voilà, ah ouais? Non, je t'ai sûr, moi. Aya Nakamura, non, ouais. Je suis pas fan. Hmm. Tu es plus quoi, toi? Tu sais bien. Alors, attends. Genre ça? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est. Oui, ça, c'est pas mal. Je m'ambiance comme ça dans la voiture, moi. Et dites-vous qu'après, ces virages 360, elles passent à Elvis Presley. oui, c'était le grand écart, ma playlist. Ouais, c'est le problème. Et entre tout ça, d'un coup, t'as un titre d'Indochine, hein, ça vient de nulle part, mais elle est là. Allez, bienvenue si vous nous rejoignez. On va avoir dans quelques instants la fameuse réponse. Pourquoi est-ce que les Asiatiques utilisent des baguettes? T'as vraiment dû la lire. Oui. Elle est facile quand même cette fois-ci. Non. Ok. Voilà. Et encore, on l'a raccourci. Mais non, mais j'avais mis à la place des couverts. Et oui, j'ai vu que t'avais supprimé, t'avais modifié sans me le dire, mais c'est pas grave. Ça clash en direct. Eh ben. Est-ce que je peux préciser un truc? Oui. Semaine dernière, elle nous clash à l'antenne en disant oui. Moi, j'aimerais bien utiliser l'ordinateur qui est en face de moi, mais il fonctionne pas. Je vais me faire lâcher. Là, dites-vous que on met en place tout ce qui est dans notre possible pour trouver un ordi, le faire fonctionner, que ça marche et tout. Elle a un ordi juste devant elle. Qu'est-ce qu'elle met devant? Des feuilles et un ordi. Ouais. Bravo. Mais c'est parce qu'il n'y a pas Audacity sur ton ordinateur. Ah, parce que tu fais ton boulot pendant l'émission? Non. Non, c'est pour le plaisir de l'application. Et sur Audacity en plus. Et sur Audacity, donc. Là, vraiment, on est au bas de l'échelle, quoi. Vraiment. Bon, c'est bien pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir la suite Adobe. C'est vrai. C'est une belle alternative. Gratuite. Gratuite. Ouais. Et moche. Comme tous les logiciels gratuits, il y a alternatif. Voilà. C'est le problème. Bon, les JO approchent à grands pas en France. Ouais. Et ça se ressent pas mal sur les gens. Ils sont un petit peu à cran. Je voudrais aller là, bordel. Merde. Mais ils le comprennent ou pas, ces espèces de trous du cul? Putain de merde, je veux aller là. Putain, c'est pas possible. Alors, là, vous entendez un monsieur qui a son volant. Et à l'arrière, la passagère le filme. Okay. Sans qu'il le sache. Et donc, vous savez, la fameuse co-conductrice, l'épouse, qui est juste à côté et qui essaye de tempérer le tout. Bordel de merde! Mais c'est quoi ça? Putain, mais je veux passer, moi! Putain de bordel de merde! Merde! C'est quoi? Alors, peut-être que sa femme, elle réussira mieux à le détendre. Et lui, il avance, oui ou non? Mais tu vois bien que l'autobus... Regarde, t'as l'autobus, là. Tu fais comment? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Jadou, on n'avance pas, l'autobus pourra pas passer! Je m'en fous de l'autobus! Qui crève? Je m'en fous de l'autobus! Qui crève? J'adore cette phrase, c'est violent. Mais il est énervé, monsieur! Ah, c'est génial, enfin. Bah oui! Mais c'est quoi ce merdier? Oh putain, je vais me faire marcher dessus par ce con! Mais oui, mais oui! Putain, mais c'est pas vrai! Laissez-moi passer! Bah Eva, c'est toi! Laissez-moi passer. Waouh, non. Après, Maëva, vraiment vénère, premier degré, je pense que là, ça envoie. Hein, ouais. Les cordes vocales, le coffre, tout ce qu'il faut. Elle retrousse ses manches, elle fait quoi? T'as quoi? Elle t'empoigne, t'as rien compris. Hein. Elle te met sur le capot. En fait, elle gueule pas au volant, elle ouais. Va régler ses comptes. Ouais, c'est ça le truc. Allez, laissez passer ce pauvre monsieur sympathique. À tout moment, là, papy, il nous fait un arrêt cardiaque dans la voiture. Hein. Bon, allez, hop. Moi j'en ai marre, je m'en vais. C'est pas possible! Bon, écoutez, retour à la maison, petit théo de miel, ça sert à rien, hein. Ça sent l'excitation. Et après ça, extinction de voix, hein. C'est sûr, il a gueulé comme un fou là toute la semaine. Bah alors, Dédé, qu'est-ce qui se passe? J'ai gueulé à la voiture. Un dernier mot peut-être? Allez, vas-y, parce que. C'est pas possible, hein! Merde! Quelle bande d'enculés, putain, c'est salaud! Oui, non, c'est bon, merci. En tout cas, si Pascal Pro recherche des nouveaux chroniqueurs, vous pouvez lui dire qu'on a trouvé un contact. Allez, merci de nous avoir choisis. On est en direct avec vous, tout se passe bien? Oui? Oui. Vous nous le confirmez? Ah oui. Non, je parlais pas à vous, je parlais à l'autre côté de la radio. Ah, ils me répondent pas. Ah, si, ah, j'ai entendu! Ah, il fait fort, hein, dis donc. Ça tombe bien, ils répondent vraiment. C'est, tu sais, comme quand t'étais petit, les dessins animés où ils te parlent. Et que tu réponds, non? Tu parles à ta télé? Mais non, mais ah, Dora, elle te dit, est-ce que ça va bien? Toi, tu disais oui. Non, tu répondais pas, Dora. Aïe, aïe, aïe. Bon, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Il faut lancer la pub, je crois. Hein. Oui. Allez, bon, oui, on y va. Vas-y. Pub, ouais. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. Parce que nos pieds supportent notre corps, il est important de leur accorder une attention particulière. Bernadette Omogrosso, pédicure podologue, met au service de vos pieds ses mains expertes avec douceur, compétence et plus de 30 ans d'expérience. De la simple taille d'ongles à la tronçonneuse ou ongles incarnés, jusqu'aux pathologies diverses, dont entre autres affections épidermiques du pied ou affections des ongles, Bernadette Omogrosso prescrit pansements et médicaments nécessaires au traitement podologique. Leur drive-in vous permet d'emporter directement vos produits, mais pour des quantités importantes, un service transport vous livre dans les homes. Des promotions toujours plus canon. Bernadette Omogrosso se déplace dans son cabinet paramédical, mais elle fait du funambuliste en chaussures de chantier. Sur rendez-vous au 065 78 16 47 29 77 65. Vous avez raison. Un mot, un geste, et Bernadette Omogrosso se coupe de tout le reste. Vous avez doublement raison. Elle est morte. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. Une équipe bourrée de talents. De talents visuels. Wow. Mais comme ici c'est de la radio, c'est pas pratique. Mais enfin, c'est promis, ils vont faire de leur mieux à l'oral. C'est Jadoul. Partout en podcast. Tous les mercredis. Ah! Pardon, je suis pas du tout prêt. Hein. Je vous le confesse. Quelle agression des oreilles. Oui, bah écoute, je me suis acharné sur le micro pour essayer de le ramener vers moi. Excuse-moi, je suis en train, voilà, je tape dans la machine. Ma Eva. Voilà, c'est bon, on a tous ces trucs. Voilà, on peut démarrer. Le fait de nous le dire plus tôt, c'est la séquence qui vous fera dormir moins bête, avec une info que vous allez oublier dans le quart d'heure, mais on sera ultra content de savoir, parce que sur le moment, on va faire « Ah ouais !» C'était ça. Ça fait toujours cet effet-là. Ouais. C'est vraiment... Et deux minutes plus tard, on se regarde en studio, on se dit « Mais de quoi il... Je... Attends. » C'était quoi déjà ta réponse? Oui, t'arrives déjà pas à mémoriser la question, on doit donc vous parler. Donc, c'était quoi déjà la question? Pourquoi les Asiatiques utilisent des baguettes à la place des couverts pour manger? Kix, t'as une idée? Moi, je dirais que c'est peut-être plus écologique. Mais souviens-toi, il avait eu un début de réponse. Allumettes, allumettes. J'avais parlé des allumettes. Non, c'était pas ça. Non, d'accord, il savait pas utiliser le métal. Moi, je donne autre chose. Ouais. J'ai dit c'est peut-être plus écologique. Non. En bois. Non, c'est pas ça. J'adore une idée. Alors, je vais creuser côté métal. Oui. Ils étaient fans de... Non, ok. Ah, c'est chaud. Il fait chaud. Oui. Je dirais que c'est parce que simplement, je sais pas si vous avez ça, certains couverts, si vous avez un plombage, vous fait mal aux dents. Ah. Merci de me rappeler ma souffrance. Oui, je sais que j'ai mal aux dents aujourd'hui, mais bon, voilà... À une dent, arrête un peu. C'était pour éviter qu'avec les plombages, ça, la fourchette fasse des interférences et pff, la dent, elle part. Non, c'est pas ça? Non. D'accord. T'étais plus proche tout à l'heure. En fait, ils utilisent des baguettes parce qu'il y a eu un impôt en fait, sur le fer en cuisine. Oh, ok. Et donc, du coup, ils avaient juste. C'était trop cher, et donc ils se sont mis au bois et au bois des baguettes. Tout simplement. Parce que c'est moins cher? Oui, non, c'était d'où? C'était à cause de cet impôt, un impôt sur le fer qu'il y avait en Asie. Et comme le fer était plus cher, ouais. Eh ben ils ont fait en bois. Voilà. Et pourquoi ils n'ont pas fait pardon. Oui. Oh. Mais il y avait aussi du bois ou de l'ivoire et il y a des baguettes en ivoire aussi. Attendez, j'ai des frissons parce que je repense à cette mais c'est horrible comme sensation. C'est comme vous savez, il y en a qui sont répugnés par les gens qui mettent leurs ongles contre un tableau noir. Ouais. Toi c'est le papier non ou le carton? Non, c'est comme les bâtons de glace. Tu vois les... C'était... Oui, toi aussi. Quoi? Mais attendez, je suis le seul à être perdu là, il se passe quoi là? Non mais tu sais le bois alimentaire. Donc ça veut dire les fourchettes en bois. Quand tu frottes ta langue. Tu mords dedans et tu tires et ça racle. Ah non, c'est trop bien. Ah, non. C'est trop bien. Quelle horreur. Oui, c'est trop bien, c'est trop bien. Oui, mais moi, je jette la glace, je garde juste le bâton. Hein. Mais toi, tu respires et tu bois de l'essence. Ah. T'es pas fait comme nous. Ah, mais faut le dire. Et t'es fan de pied, donc rien de normal. Pour rappel, vous pouvez retrouver Kix sur son OnlyFans. Et Mime. Ses fonds. Et... Ah, Mime aussi. Oui, bah, ça y est, sûr. Tu t'es lancé. Ah, bah, je vous ai dit, moi, j'essaie de gagner un peu d'argent, là. Bah, ici que t'en trouveras. Ouais. Merci Maëva, on a retenu. Si les Chinois mangent avec des baguettes, c'est parce que ils ont 4-5 doigts. Quoi ? Non, je sais plus. Il y a des taxes, il y a des impôts. Et les impôts, oui, c'est ça. Voilà. Et comme ils payaient trop d'impôts, oh putain, ça fait chier. On n'a pas les sous pour des dents sur les. Pour un truc comme ça. Allez, merci Maëva. Avec plaisir. Et non, j'ai avec les doigts alors, c'est ça ? Le fer était cher. Voilà, un impôt sur le fer en cuisine. Voilà. Pour l'éviter. Et donc les cuisines étaient en bois aussi alors ? Il n'y avait pas d'inox ? Un plan de travail. Ils avaient le wok qui est en métal et le couteau et c'est tout. Ah bah ils ont choisi les endroits où ils investissaient. Hein. Oui c'est ça. On a compris qu'ils dominent les quartiers maintenant avec toutes leurs bottes bouffe là. Moi je pourrais bouffer tous les jours moi. Merci Maëva. Avec plaisir. J'ai faim maintenant à cause de toi. Moi aussi. Bon merci, super. Et j'ai des frissons parce que je repense à ces cuillères là. Ça me fait déjà peur. Si je vous dis Végastral, vous pensez à... Non, ce n'est pas le nom d'un nouveau resto à la mer du Nord, ni le nom d'une maladie intestinale. Il s'agit de Dominique Vegas et sa chronique de voyance, le Végastral. Bonsoir Dominique. Bonsoir Zadoul, bonsoir Soleil et bonjour la Lune. Ah, vous partez déjà ? Mais ne partez pas, donnez-nous d'abord l'horoscope du jour, Dominique. Oh oui, je suis désolé, mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a des jours où on ferait mieux de se tousser. Pardon ? Enfin, d'aller se coucher, pardon. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui vous arrive, Dominique ? Mais je suis tout sans bouler et un petit peu enrhumé au passage, voilà. On n'avait pas anticipé ce jour férié. Ah oui, c'est évidemment, férié, oui. Bah oui, mais je ne le savais pas, évidemment. Ce midi, je suis tombé à court de cassoulet, Cora, 500 grammes. C'est pas grave. Voilà, c'est dit, c'est comme ça, je suis déçu. Bon, l'horoscope du tout. Je reprends mes esprits. Ce sont les Sagittaires. Alors, je lis dans les cartes. Le calme est revenu après quelques changements. Il est grand temps de vous remettre au boulot. Vous devrez mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard accumulé. Vous savez que ma maman m'appelait comme ça quand j'étais petit, monsieur Zadou ? Retard accumulé ? Non, non, non, non. Bousser double. Ah, puis ce surnom est parti en grandissant. Mais il est vite revenu quand j'ai commencé à sortir à l'Homo Erectus. Ah. Oh, c'est un petit club sympa à Bruxelles, plutôt bien fréquenté, je dois dire. Allez, je vous invite à poursuivre. Bousser double vient du fait que ma grande mâchoire permet non, de... Non, c'est pas ça. Non, je poursuivre l'horoscope des Sagittaires, Dominique. D'accord, d'accord, ouais, ça va. Vous ne pourrez... Oui, c'est bien ça. Vous ne pourrez pas concrétiser tous les rêves que vous avez en tête. Il faudra faire des choix, c'est comme ça. Bon, c'est tout. Là, on y est ? Ouais, mais pour moi, c'est très bon. Je suis quand même très triste à cause de mon cassoulet. Mais c'est pas grave, on vous achetez une palette de cassoulet. Mais c'est toujours cette habitude d'avoir mon petit pot de cassoulet avec moi. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas avec moi. Je suis triste. Avouez-le. Je suis vraiment très triste. Hein. C'est la saucisse qui vous manque ? Oui. Voilà. C'est la saucisse. On le savait, merci, au revoir et bonne fête du travail. À très vite Dominique. Bonsoir Soleil, bonsoir la Lune. Dès 20h, Jadoul. Est-ce que tout le monde est prêt? Là je vois tout le monde qui chipote, ça court dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est prêt? Oui. Non. Bah voilà, elle est honnête hein. Combini. Le concept de l'interview combiné est simple. On prend une interview du média Combini. On garde les réponses de l'intervenant, intervenante. C'est ça. Et on essaie de faire des questions plus drôle. On essaye. Voilà. Le moins drôle d'entre nous se prendra un coup de... Combiné. Bonne réponse. Jusque-là, c'est un sans faute. J'ai un point, alors. Non. Ah, mince. Je suis honnête. Voilà, voilà. Je vous propose qu'on dise bonjour à notre invité du jour et je lui laisse l'honneur de se présenter. Salut, c'est Singila et je vais revenir sur les chaînes infos. Et enfin, ici, c'est de la radio, c'est pas une chaîne info. Les personnes ne te connaissent pas. Donc, tu es chanteur R&B. Alors, voici l'un de tes sons qui t'a fait connaître. C'est Ma Nature, on l'écoute. Je crois que c'est ma nature, je suis toujours dans les problèmes. Je kiffe tous les aventures, face à une femme, rien ne me vient. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est très bon. Ça parle de quoi exactement ce truc ? J'ai quitté ma femme pour me mettre avec ma boss, puis ensuite je suis retourné avec ma femme, et donc ça fait un clash. Et au lieu de dire j'ai déconné ou ci ou ça, je dis ah, c'est ma nature, qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, c'est joli tout ça. Je vous propose qu'on démarre. Super. Voici la toute première question. Maëva ? Quand tu discutes avec ta pote de son mec ? Si il y avait que de bonnes nouvelles, ça ne nous intéresserait pas. On serait chier. On adore. Elle rit elle-même à son truc. Pour combler. Patrick Timsit a dit qu'il ne fallait jamais rire de cette blague. Mais c'est parce que vous êtes pas des filles, mais on adore quand elle nous raconte toutes les conneries qu'il fait son mec. Quand tu discutes avec ta pote de son mec. Ah oui, ok, je me suis fait tout l'arbre. C'est bon, j'ai pigé. Mais oui, c'est clair. Non, c'était pas clair. Tu l'aurais formulé comment ? Bon, Maëva, tiens. Kix, à toi. Les repas de famille. Si il y avait que de bonnes nouvelles, ça nous intéresserait pas. Bravo, ça me fait rire. Pardon ? Merci. Maëva, mauvaise foi. On y va, remonte le niveau. Si tu demandes à Kix s'il kiffe les pieds, il te répond. Ouais, j'aime vraiment ça. On a dit quoi ? Elle m'a taclé en plus. Arrête, il le fait, tu lui dis jamais rien. Elle m'a taclé juste là dans le cou. Mais c'est... Kix, je t'écoute. Que répond Pierre Palmade quand on lui demande de tirer un trait sur sa vie ? Ouais, j'aime vraiment ça. Bref, vous avez compris quoi. Mais vous savez, il y a une règle d'or. Dites-vous tous, à chaque fois que vous allez faire une connerie dans votre vie, vous retenez. Jamais je fais une Pierre Palmade. Voilà. Ça, c'est une règle d'or. On y va ? Troisième et dernière question, Maëva. Quand je vais aux toilettes au moment de débarrasser la table. J'endosse le rôle du connard. Voilà. Et bam, elle finit là-haut. Ah, je suis content, je danse. Ce soir, c'est nos galères. Kix ? Celle-là va être très longue, alors attends que je termine. Non, mais non, en plus, c'est toi qui finis. Si on termine la séquence là-dessus, non, mais on va faire ça va être drôle. Quand je passe en caisse et que je refuse de donner les quelques centimes restants à une association. Non, j'avais dit que c'était long, voilà. Je me mets des défis. À une association. Tu me la refais ? Oui. Sans bafouiller ? Vas-y, j'essaye. Vas-y. Quand je passe en caisse et que je refuse de donner les quelques centimes qui me restent à une association. J'endosse le rôle du connard. Ouais. Allez, c'est bon. Ah, ça c'est fait. Voilà. Merci à tous, au revoir. Waouh. Bon. Oui. Logopède, lundi 10h. Logopède, promis. Allez, parfait. J'y serai. Le rendez-vous est pris. Le personnel médical qui encadre les gens de cette émission vous informe que l'état des patients n'a pas évolué. Les médecins démissionnent. Non, on veut pas. Ces fous sont libérés 2 heures sur KIF. Ce n'est pas acceptable. Dès 20h. Jadoul. Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Maëva, c'est ta musique. Attention, Corée. Yeah. Top 10 cette fois-ci des objets oubliés dans les taxis et les VTC en 2024. Ouais. Maëva, tu prends souvent le Uber Jamais. J'ai pris une fois un Uber pour rentrer de soirée et je m'en souviens pas parce que j'étais un petit peu saoule. Est-ce qu'on peut citer des concurrents Je crois que je me rappelle de cette soirée-là. Il y a quoi comme concurrent à Uber Il faut tous les citer. Là, j'en ai cité un. Attends, si je finis. Hitch. Il y a Hitch. On embrasse tous les chauffeurs Hitch. Il y a quoi d'autre comme truc, comme appli connu ? Mais moi, je voulais juste dire que du coup, la seule fois que j'ai pris un bar, c'était la radio dedans. Notre radio ? C'était notre radio. Mais oui, c'est quand elle nous a fait de la fameuse pub. Elle nous a fait la fameuse pub, c'est-à-dire que ivre morte, si tu t'en souviens pas, mais on va le raconter. Oh. La meuf, elle dit, et vous savez que nous, on fait là l'émission de radio, là, vous savez, là, ce que vous écoutez là, en ce moment, c'est une station que moi, je suis dedans. Moi, là, j'entre dans la radio et pouf, et un coucou, Maëva, elle est dedans. Voilà. Ouais, il avait bien aimé le chauffeur, il avait rigolé. Bah oui, il n'allait pas dire autre chose. Hein. Nous aussi, on aurait bien rigolé si on était là. Allez, on y va, le top 10. Des objets oubliés dans les taxis. En 10, on retrouve une tondeuse. Une tondeuse à gazon. Ah, gazon tondeuse, en plus. Une tondeuse, oui. Wow. En 9, une gouttière dentaire. Ok. Pourquoi ? En 8, une perruque blonde. Maman. En 7, une radiographie. Ok. Ok. L'autre métier qui porte le même nom que nous, faire des radios. Vous savez, les trucs en noir et blanc, là. En 6e, pour les fans de musique, une trompette et un MP3. Oh. C'est peut-être ma trompette pour le générique. C'est pas faux. Tu vois. Et c'est là que je me rends compte qu'en 2024, il existe encore donc des MP3. Ah oui. Mais c'est vous, mon Dieu. On dirait Anthony Bott. J'ai remis en route mon iPod. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ça. Antoine qu'on embrasse, bien sûr. En 5, une console Nintendo Switch. Oh. Ça vaut combien, ça? 200 euros, je pense. T'oublies 200 balles, comme ça. Mais tu te rends compte? Bon, alors, si on le sait, c'est que ça a été rapporté, le gars là. Hein. Parce que je pense que le chauffeur qui trouve une Switch, il la rend pas. Non, il... Simplement. Soit il la garde ou il la revend. En 4, des objets de luxe. Genre un collier et une laisse pour chien Louis Vuitton. Un pull Gucci. En 3, dans le même goût, 560 euros en liquide. Oh, ça, c'est horrible. En 2, la pièce d'identité d'un acteur américain ayant joué dans High School Musical. Oh, Zac Efron. Et en 1, un maillot de rugby dédicacé par un joueur du... Oh là là, je vais passer pour un teubé. XV de France. XV de France. Le 15 de France. Ouais, ouais, c'est ça. Gaël Ficou. Il a un nom de petite plante chez Ikea, lui. Gaël Ficou. Un maillot dédicacé, quand même. Oh, c'est pas rien. On pourrait s'arrêter là, mais il y a un petit bonus. Yeah. Let's go. Plus loin dans le classement, on retrouve aussi une bouteille de vin de Beaujolais Nouveau, un étui à cigares, un rouge à lèvres, des disques vinyles, une raquette de tennis avec sa pochette de transport, une mallette à outils, une boîte de biscuits, un parapluie, un lit, une trottinette, des boules de pétanque, un hérisson en peluche. Ah, j'allais dire en peluche. Oui. Vaut mieux. Trois rouleaux de papier ciseaux et un chapelet, un balai et une seule botte de pluie. Il est reparti à cloche-pied. Ouais, ouais, je pense. Et on sait que Kix a pris un taxi, un Uber récemment. Oui. Parce qu'on a retrouvé une bouteille d'Oasis de 2 litres cette année dans les Uber. Ouais. Super. Non, mais c'est vrai, en plus, je prends vraiment ça, des bouteilles d'Oasis de 2 litres, c'est pas une blague. Tu me connais bien en fait. Bah, t'as vu. Tu serais pas Uber? Possible. Ça va bien. Faudrait avoir le permis pour ça. Oh, ça tacle. Oh là, et ça tacle, et ça tacle. Mais ça quoi tacle. Quand toi, tu me tacles sur ma conduite. Et moi, je te tague sur le fait que t'as pas de permis. C'est pas ma faute si tu conduis ta voiture comme un char d'assaut. Bah, c'est pas ma faute si Russie, t'as pas de permis. Va en Ukraine, tu les aideras. Là, là, les boîtes, elles. Les trucs, ils sont rodés. Là, c'est des trucs militaires. Vas-y, tu vas t'éclater. Non, mais le pauvre Ring à Bruxelles, il a rien demandé. Si son poing a cassé l'écran tactile du studio, ce n'est pas un excès de colère. C'est la faute de Tix. T'es con ! C'est le lancement du son ! Ah, d'accord, c'est ça que tu veux. Mais non, il fallait faire un geste. Dès 20h, sur KIF, Jadoul, tous les mercredis. Et maintenant, c'est Maëva qui assure la séquence du cinéphile. Yes. Ça consiste en quoi, la première manche? Alors, la première manche, je vais vous faire deviner un film avec trois extraits. Et je vais vous passer les extraits du film avec des répliques. Et j'expliquerai les manches prochaines après. Vous êtes prêts? Alors, ouais, attends, oui. on va juste tester nos buzzers parce qu'aujourd'hui, avec la chaleur, le matos a fondu, hein, je te le cache pas. Donc, on va tester. Kix, est-ce que tu peux nous faire écouter ton magnifique buzzer? Attends, il faut que j'aille sur la. Voilà, je l'ai. Attention. Vas-y. Waouh, du premier coup, moi je teste le mien. Oh, t'as vu? Et. C'est magnifique. Ready comme jamais. Ready. Ouais. Vas-y. Alors, le premier extrait. Pourquoi j'ai porté les pastèques? C'est pas un crime de porter une pastèque. Ah, c'est fini déjà? Ok, d'accord. Oh, attends, je crois c'est que c'est pas un crime de porter une pastèque. Ah ouais, non, j'ai confondu avec un autre film. Pas du okay, tout. Ok, extrait non. Numéro 2. Oublie-moi. N'aplatis pas les talons. N'aplatis pas les talons, reste mais sur la pointe des pieds, j'ai... c'est tout. Ici, c'est moi le prof. Les mouvements, ça suffit pas. Attends. Ah, il est con. Dirty Dancing. Yes. Avec l'extrait, le troisième extrait culte. On ne laisse pas bébé dans un coin. Voilà, on ne laisse pas bébé dans un coin, Jadoul. Bah oui. Tu moi, j'ai juste tu reconnu Richard Darbois, moi. Ah oui. Oui, c'est vrai, c'est lui qui fait la voix. C'est la voix de Patrick Chouizy. Je sais pas comment ça se prononce son nom. Chouizy. Ok, super. Ben, un point pour Kix. Yes. On passe à la manche numéro 2. Donc, cette fois-ci, il y a aussi trois répliques pour un film, mais c'est moi qui les lis sans aucune expression. Okay. On adore. Vous êtes prêts? Non. Alors, le premier extrait, c'est OK. Hein? C'est OK. Oh, purée, j'ai compris. Oui. Les visiteurs. C'est OK. Bonne réponse. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut quand même signaler que c'est la toute première bonne réponse que j'ai dans ce jeu? Oui, oui. Qui existe maintenant depuis un petit temps. Que j'ai toujours pas persévéré. C'est ma première bonne réponse. J'en suis très fier. Bon, tout se joue ici alors. Ouais, ça se joue sur la manche numéro 3 du coup. Ah, on passe à la troisième manche. Exactement. Sortie. Alors là, c'est moi qui vais vous pitcher le film, sauf que bah, je suis pas super méga douée pour le pitcher, mais bah, vous allez voir. Super. Donc c'est l'histoire d'un gars qui vit un petit peu à l'écart. Enfin, il vit vraiment à l'écart. Il vit tout seul. À l'écaille. À l'écart. Sauf que bah, dans son pays, en fait, il y a un peu un problème et tous les gens fuient et donc ils vont vouloir aller se réfugier du côté de chez lui vu qu'il est il est loin de tout le monde. Et donc il va se retrouver avec plein de gens, mais lui ça le fait chier parce qu'il aime bien vivre tout seul, loin de tout le monde. Donc il va se rendre jusque au cœur de la ville pour aller voir le chef, hein, le roi. Et le roi va lui dire, écoute, moi je veux bien te faire partir les gens, mais il faut que tu fasses une mission pour moi. Je t'engage pour aller faire ça. Du coup, il va aller très très loin. Il va partir, il va prendre des risques, etc. Et il va devoir se battre contre un dragon. Et il va monter à la tour et sauver la princesse. Ah, si. First, hein. Ouais, vas-y, first. Vas-y. Shrek. Exactement. J'avais Mario Bros. Ouais, ça aurait pu aussi. Hein. J'avais Mario bon, après, le film. Ouais. Mais la grande tour, la princesse Pouf. Peach, pardon. C'est pas ça la princesse Pouf. Très élégant. Moi j'ai vu la version porno. Ok. Pardon. Mario et Pouf. Mario et Pouf. Ah bah. Oh, ce serait il faut imaginer un pitch. Mais Eva, y a pas une manche 4 où on fait des pitchs pourris de trucs qui n'existent pas. Oh, ce serait génial, la princesse Pouf et Mariard. Marius. Maria et Pouf. Maria et Pouf. Ah, oh, ce serait génial. Ah, j'adore le concept. Bon, au final, on en est où quoi? C'est déjà la fin de ta. Mais oui. Et c'est Kiki d'amour qui gagne. Yeah, qui gagne. Et on te donne les encouragements, Jadoul. Ouais. Parce que t'as enfin marqué un point et on est sûr que la prochaine fois, tu vas pouvoir. Avec ma belle victoire, je t'encourage à essayer de me battre. J'ai l'impression de relire mes bulletins. Hein, arrêtez. Oh, quelle horreur, tes bulletins. Moi, j'ai quand même eu un bulletin où on m'a écrit « Connaît-il l'adresse de l'école ?» Alors, pourquoi tu sais chez les cours ? Mais non, j'étais absent une fois. Et la meuf, elle était comme ça. Et voilà. J'étais souvent là en cours. Je dois dire oui. Mais il a été en classe avec moi, donc... Oui. On se marrait bien. Ah oui, on se marrait bien. Mais il n'était pas souvent là parce qu'il a hésité. Hein. Ah, il était entre les deux, en fait. Mais tu faisais quoi ? Bah, il travaillait. Hein. J'étais à la radio. C'est un vaillant. Genre, tu séchais les cours pour faire de la radio ? Bah ouais. Oui. Même à l'école, en plus. Et même à l'école, on a fait une radio histoire de trouver du temps à faire autre chose. Ouais, bon, un jour on vous racontera ça. Dans un instant, on va avoir le droit aux inflops. Ah oh, oui, en gros, c'est la deuxième heure qui démarre. Oui, bah oui. On peut le dire. On peut le dire. On est honnête. Allez, deuxième heure dans un instant. Oui, il y a des coutumes dans cette émission qui méritent une musique. Il y a une femme dans cette émission qui mérite d'être connue. Je ne suis pas tout à fait prêt pour l'accueillir. Je dois d'abord retirer mon gros pull. Je retire mes chaussures. Et maintenant, je suis peut-être prêt. Est-ce que vous êtes là ? Bonsoir, Jadoul. Bonsoir. Comment ça va ? Oh, beaucoup mieux. Tu m'as manqué. Ouais, cette voix aussi. T'étais pas là la semaine dernière ? Non. J'étais triste. Moi aussi. Je pensais beaucoup à toi. Je suis plein. Plein ? De joie de te revoir. Moi aussi. Qu'est-ce que tu proposes à 21h13, 21h14? On reste un peu ensemble. Ah ouais? Pour la deuxième heure. La quoi, la demi-heure? La deuxième heure. Allez, vendu. Tous les mercredis, c'est la trappe. Jadoul et toute son équipe. Partout en podcast. On est là pour vous accompagner. On est pile à la moitié de l'émission. Autant vous dire qu'il y a encore beaucoup de surprises qui arrivent. Okay. On ne sait pas dans quel état on va finir cette émission. D'ailleurs, Maëva est dans un état. Mais qu'est-ce que t'as encore fait à tes cheveux? Ça a rechangé? Mais je te l'avais dit la fois dernière. Mais je viens de le voir. Mais alors. On voit ton front, donc sachez-le. On le sait, c'est officiel, maintenant elle a un front, elle n'a pas qu'une frange. Nous, on a vu une frange durant 2 ans, là, et maintenant, voilà, un front. Voilà. Et même assez beau. Ah, merci. Il n'a pas bronzé le front d'ailleurs. Attends, parce que j'ai pas assez de lumière. Ouais, là, une là belle, tu vois la sueur sur mon front vu qu'il fait chaud, hyper chaud ici. Mais oui, et j'ai changé la couleur un petit peu. Du front ? Ah, attends, j'ai pas vu ça non plus. Re, coup de lampe de poche. Ah, des cheveux, ok. Rouille un peu. Rousse, pas rouille. Oui, pardon. Oui, bon, c'est bien. Oh, t'aimes pas ? Si, c'est bien. C'est. Allez. Bah. Quoi ? T'aimes pas ? Allez, musique, allez, on y va. C'est bien, Maëva. Non, mais ça va, t'aimes pas. Mais si, c'est bien. C'est, non, mais c'est un, il faut tester des choses hein, dans la vie. Regarde, un jour, Kix, il a fait une teinture blonde. Voilà. Et ah, rouge. Quoi, c'est vrai. Et rouge. Il a, non. Et rouge. Rouge. Et vrai, il a, un vrai il, rouge. Hein. Il a fini gris. Brun. Brun. T'as fait ton Eminem. Et roux. Et roux. Il a fait tout. J'ai tout fait. Parce que vu que ça a décoloré, il s'en est pas occupé et tout. Enfin, un enfer. Ah, c'est passé par toutes les. Qu'est-ce que c'est ? Ah. Ah ! Même les fenêtres fermées, on même entend. Même les fenêtres fermées, on entend la police qui est dehors. Je pense qu'ils viennent pour les cheveux. Non, mais Eva, en vrai, t'es sublime. Oh, t'es gentil. Vraiment. Est-ce que les ambulances. Attendez, je vais passer un petit coup de gueule dehors si vous voulez bien. Est-ce qu'on peut se calmer sur le. C'est quoi ? Le rond-point Mézère ? On fait de la radio, merci. Ah, ben, c'est pas. On se tait ? Les morts attendront. C'est pas possible. Oh là là. Bon, merci de nous avoir choisi. Je vais essayer de refermer la fenêtre maintenant que j'ai fait le malin. Bravo. Hop là. Et ne fais pas tomber le store. Hein. On c'est déjà arrivé ça. Oui. Oui, sur la bougie. Sur une bougie. La fois où Jadoul a fait tomber le store en papier sur la bougie. Sur la bougie de la mémoire. En direct. Voilà. Belle mémoire. Hein. Pour ceux qui nous rejoignent, on avait fait un petit épitaphe avec souvenirs, des bougies. C'était très lugubre. Et le store est tombé sur la bougie. On a failli avoir le feu. Hein. C'était un truc. À les papons, ça aurait été pour nous. À les papons, là, ils étaient chez nous, en live. Et on aura été la première radio à vivre un incendie en live. Ouais. Ça, tout nouveau c'est studio. Sûr que c'est déjà arrivé. Numéro 1 sur les incendies, nous. Ah, ce serait génial. Bon, je vous propose de faire les inflops. Allez, première inflop. Vous connaissez Galena ? Qui ? Non. Galena, ça vous dit rien ? Pas du tout. Ah, c'est une chatte qui est originaire de l'Utah. Elle a parcouru 1000 km pendant 6 jours à l'intérieur d'un colis Amazon. Oh non, la peau. Un chat vivant, hein, vous êtes bien au courant. Elle s'est faufilée pendant que ses maîtres, sans qu'ils ne s'en aperçoivent, est en train de refermer le colis. Oh. Alors le chat n'avait aucune source d'eau, ni de nourriture. Au cours de tout son voyage, il avait juste une petite ouverture d'air accidentelle dans le carton qui lui a permis de survivre. Heureusement. C'est une employée Amazon, une fois le colis arrivé à l'entrepôt, qui est tombée sur le chat en le déballant, en Californie. Utah, Californie. 1000 km. Wow. Vous vous rendez compte, 6 jours. C'est ce qui s'appelle envoyer un chat, enfin un chat, dans la vraie vie. Non mais en même temps, si le chat se faufile au moment de la fermeture, je pense qu'on est tous d'accord pour dire. Deuxième inflop. Vous êtes libre le 2 juin ? Je pense. Non. Bah non, moi non plus. Bah, Ligue, elle est pas. Oui, d'accord. Je me prends un jour de congé aussi. On s'est déjà rendu solidaire sur d'autres événements. Oui, oui, oui. Donc, rendons-nous solidaires. Vous êtes libre le 2 juin. Okay. Allez, on dit que c'est bon. Vous êtes une personne de petite taille. Oui, allez, on dit que c'est bon oui. aussi. Le village d'Impau, dans l'Eure-et-Loire, en France, veut devenir la capitale mondiale des nains de jardin. Alors, pour y parvenir, la commune nain internationale devra rassembler la plus grande collection de nains de jardin. Construire le nain de jardin le plus haut du monde et réussir à ce qu'il réunisse un maximum de personnes déguisées en nain de jardin. Le record est de 529 personnes actuellement. Ok. Il faut une personne de plus, par exemple, je sais pas, Mimi Mati, Passepartout, en plus pour obtenir le record. 530 personnes est l'objectif. Le village compte 409 habitants. Voilà, voilà. Bon, imaginez, on arrive là avec la radio à ramener beaucoup de monde sur cet event. Ouais. Allez, il y a tout le monde, c'est bon. On y va, on fait la photo officielle pour Guinness Book. Ouais. 3, 2, nain. Merde. Attendez. Ah oui, là on a un petit souci. On voit que les têtes sur la photo. La vie ne fait pas de cadeaux. Troisième et dernière inflop, retour en Belgique. Lors d'un contrôle routier, un conducteur a battu un record. On reste dans le thème. Après vérification par les services fédéraux de la justice et des finances, ce n'est pas une erreur ce que vous allez entendre. L'homme doit 6 238 607 millions d'euros à la justice belge. Ok. 6 millions Vous percutez. Ça va, c'est une petite somme. Oui, c'est des cacahuètes par rapport à notre salaire. Attends, écoute, c'est sûr, on a gagné à l'euro million, nous. Tous les jours, pas de problème. Bon, sans surprise, l'homme ne pouvait pas payer le montant exigé, donc il a dû renoncer à son véhicule confisqué par la police. Oui, on peut dire que pour avoir assez d'amendes, d'infractions, de trucs devant le juge, pour cumuler 6 millions d'euros d'amende, il faut vraiment voir... La vie comme une fête foraine. Voilà. À moins qu'on s'appelle aussi Maëva. Ça peut fonctionner aussi pour les infractions routières. Oui, bah oui. Si, si, oui, si. Vas-y, essaie de te défendre. Quoi, tu conduis bien ? Oui. Comment tu peux le prouver ? Bah parce que j'ai jamais eu d'amende. Enfin, c'est vrai ? Si, une fois. Ah oui, et comment ? Avec cette vitesse. Hein ? Bravo ! Où ça ? Bah, en venant ici, en plus. Ah ! En fait, tu me le dois. Ça, ça sert des excuses, en plus. Pas payer la conduite des gens, moi, en et plus. Ben. Ah, d'accord. Et avec quelle voiture ? C'était celle que j'avais empruntée, c'était pas la mienne. Bah, c'était pas la Poufiat. Ça a dû faire plaisir quand le PV est arrivé à la maison. Alors Maëva, qu'est-ce que c'est ? Oui, bah ça c'est, t'inquiète pas, ça, c'est... Ils vont me le payer à la radio, ouais, tu parles. Tous les mercredis, c'est avec Jadoul. En podcast. Allez, c'est Maëva qui nous fait l'intro. Dans un petit village éloigné en Wallonie... se trouvent deux amis, Guy et René, qui vous racontent leur histoire. Et ils travaillent dans quoi ? Ah oui, ils font de la radio. Ouais. Et voilà. Et Guy, il fait quoi ? C'est l'animateur. Et non, René ? C'est le technicien. Allez, on vérifie. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où ils ont fait une déloc au ski. Nous sommes toujours en direct de Falminioul avec Guy. En direct, lui, de la montagne. On va réessayer de faire la liaison. Guy, René Pourguet, tu m'entends ? René Pourguet, tu m'entends ? Oh, mais t'es toujours en train de crier ? Ah oui, je suis ici toujours en haut en direct des pistes, seulement la neige fond un peu autour de moi avec tout ce matériel dernière génération pour faire la liaison. Peux-tu faire le point pour nos fidèles auditeurs de la 97.8 ? Bien sûr mon cher, il fait froid. Merci. C'est tout ? Bah oui. Ça fait un peu cher pour un point météo, ça, quand même. Guy, offre-nous un peu plus pour l'antenne, s'il te plaît. Fais-nous vivre tout ce qui se passe là-bas. Je peux chanter, d'accord ? Attention. Quand je reverrai ça, pays merveilleux ! Non, stop, merci, c'est bon. Autre chose, je sais pas... descends la piste. Non, René, j'ai peur, c'est une piste verte. Guy, t'as tes skis ? Bah oui, c'est l'équipement complet, mon vieux. Alors, plus d'excuses, tu fais la descente avec nous, en direct à la radio. D'accord, mais bon, j'ai beaucoup d'équipement radiophonique sur moi, ça va me déséquilibrer. Arrête, hein, c'est des excuses pour ne pas le faire, tout ça, tu te dégonfles encore. Bon, ben je me lance, alors, hein. Rentabiliser son assurance invalidité. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. L'actu connecté et les dernières tendances, c'est avec Jadoul. En podcast. Et la séquence porte un nom, c'est le... Je sens des boomers. Non, des boomers. C'est beaucoup mieux comme ça. Le hockey boomer de Maëva. Je vous explique, en gros, grâce à elle, vous ne passerez jamais à côté de quelque chose d'intéressant ou qui vous fera briller en société ou d'un truc qui s'est simplement passé que c'est pas mal que vous le connaissiez. Voilà, en fait, Maëva, c'est votre bonne copine, plutôt sympa, qui aura toujours des bons plans pour vous. C'est pour ça qu'on l'aime. Merci Jadoul. Donc je vais vous faire deviner trois infos. On commence avec la première. Ça clash sur Netflix en ce moment. Pourquoi ? Kix, t'as une idée ? Pourquoi ? Peut-être parce que, je sais pas, ils ont pas autant de vues qu'ailleurs. Non, je sais. Peut-être que ceux qui travaillent là regardent trop de séries Netflix. Non. Au lieu de bosser. Qu'est-ce que tu dis, le garçon ? Quoi ? Peut-être que ceux qui travaillent chez Netflix, au lieu de bosser, ils regardent trop de séries. Et donc, du coup, non, ok, ça va. D'accord. J'adore. Ça clash chez Netflix parce qu'ils vont encore avoir une politique encore plus dégueulasse que les partages de comptes, c'est fini. Ils vont augmenter les prix. Et en plus de ça, faire, tu sais, des types de contenu encore plus premium. C'est-à-dire, ouais, t'aimes bien le trailer ? Mais le trailer, c'est 2 euros de plus par mois. Oh, quelle horreur, j'espère pas. J'espère que je leur donne pas une j'espère idée. J'espère hein, que ça n'arrivera jamais. Ça se trouve, là, je viens de lancer la pire idée au monde et s'ils commencent à faire ça. Merci, Jadou, merci. Ah bah là, non, c'est pas ça du tout. J'en voudrais à Maëva. Hein. Mais non, mais ça, tu peux en vouloir qu'à toi-même. C'est à propos de la série la plus vue du moment sur Netflix, Mon Petit Reine. Vous avez regardé ? Ah, non, mais j'ai failli. Mon Petit Reine. Tu l'as regardé ? Oui. Mais j'ai jamais été à Rennes. C'est vrai qu'il mentait. C'est la petite ceinture de Rennes, c'est le milieu, c'est. Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est le cœur de la ville. Ouais, c'est ça, ouais, Rennes, la ville en français. Mais non, ça, Rennes, mais non. Je... Ah, le Rennes, le. Voilà. Enfin, je sais pas si ça fait ce cri-là, mais. le Rennes. Déjà, je sais pas si ça a un lien avec ça en oui. plus. Oui, mais du coup, tu l'as regardé ou pas la série Mon Petit Rennes ? Non. Mais non. Ah, ok, ça va, je me disais, waouh, qu'est-ce qu'il fait ? Parce que j'ai l'air, sincèrement. Maëva, depuis le temps qu'on se connaît, est-ce que je regarde des séries ? C'est quoi ? C'est quelle nationalité la série ? Anglais. Voilà, est-ce que j'ai une tête à regarder des trucs anglais? Moi, c'est la soupe aux choux, Pierre Richard, voilà. Mais c'est terminé. La série la plus vue en ce moment sur Netflix. Mais c'est bien, mais moi je fais. Alors, tu sais quoi? Ça, il faut que je le dise. Allez, bête coup de gueule, allez. On y va, c'est parti. Vas-y, lâche tout, ça fait longtemps. Je tiens à dire que les gens qui me font chier à me dire tout le temps en permanence t'as vu, t'es passé à côté. Bah oui, mais tout le monde regarde, tu sais que tout le monde regarde. Oui, je sais. Et alors, j'ai pas envie de faire comme tout le monde, j'ai le droit. J'adoule, c'est original. Donc la série du moment, Mon Petit Reine, c'est un thriller mi-dramatique, mi-comique où l'humoriste Richard Gad, il joue son propre rôle et en fait il raconte sa rencontre avec une femme plus âgée, Martha, qui va être obsédée par lui et qui va le suivre partout, le bombarder de messages, il y a eu 40 000 mails, le harceler jusqu'à des agressions sexuelles, bref. Donc ça c'est la série du moment et c'est une histoire vraie. Et lui joue son propre rôle. Seulement il y a certains fans qui ont décidé de mettre leur petite casquette de FBI et qui ont retrouvé la vraie Martha, donc celle qui l'a harcelée. Et donc du coup elle s'est pris, ben elle s'est fait lyncher mais de malade. Et donc du coup elle a décidé de clasher en disant qu'en gros cette série c'était totalement faux, okay. Que c'était lui qui harcelait la femme. Donc voilà, c'est ça le clash en ce moment. Elle a fait plusieurs interviews et elle voudrait le mettre en justice pour diffamation. On verra si ça donnera suite. Ok. Ah, c'est sympa l'ambiance. Ah oui, d'accord. Mais je comprends pas cette série. On entend parler de partout et je me suis demandé c'était quoi. Mais... D'ailleurs, les producteurs de la série ont dit à cette femme. J'ai toujours porté bonheur aux hommes. J'ai toujours été bonne avec eux. D'accord. Info numéro 2. Quel nouveau concours de beauté va voir le jour? Le concours de poils de pied. Oh non, mais tu peux être sérieux 2 minutes, s'il te plaît. T'as des poils, toi, sur les... J'ai pas ça. Ah bon ? Moi, je les brosse, je fais des tresses, parfois des bigoudis. Et toi, Maëva ? Non, j'ai pas de poils. Non, ça va, ok, d'accord. J'ai adoré l'idée. Attends, je découvre le corps humain, là. J'ai le droit, non ? Monte tes pieds. Tu verras, nickel. Hein. Ah oui. Mais pourquoi tu demandes comme ça aux gens de regarder les vidéos ? Ouais, vas-y, ta réponse. Je crois qu'il y a des petits trucs et des fantasmes à régler. Bref, c'était quoi la question ? Comment est-ce que j'étais bonne à l'école ? Non. Non. Nouveau okay. concours de beauté, ça, c'est quoi ? Un nouveau concours de beauté ? Ouais. De quoi il s'agit ? Je sais qu'ils en ont fait un. Bah oui, mais il est déjà connu le truc. Rihanna a été élue la plus belle vache de la foire agricole. Wow. Non mais Rihanna, la vache, hein, pas la chanteuse. Hein. C'est pas ça ? C'est pas ça. Ok, super. C'est Miss IA. Donc c'est un nouveau concours qui se tiendra le 10 mai. Isabelle Adjani ? Intelligence artificielle, ça se tiendra le 10 mai prochain et ça permet de départager les femmes créées par de l'intelligence artificielle. Okay, let's go. Alors, la gagnante, elle va quand même recevoir 5 000 $ et 8 000 € de sponsor, 8 000 $ pardon, de sponsor. Mais la gagnante, c'est Nia. Bah oui, c'est Nia. C'est Nia. Mais qui du coup, si vous, enfin, mettez-vous maintenant à l'intelligence artificielle. Ah oui, non, mais c'est super. C'est votre seule chance de gagner un concours de Miss. Mais non, puisque l'argent va à l'IA. Mais oui, mais non, c'est son créateur qui va. Ah, mais c'est ça qu'on voulait savoir. Bah, une IA, ça se fait jamais tout seul, vraiment. Ouais, bah, qui sait. Ça, c'est quoi ça, IA, ça. Oui, mais d'accord, mais si tu gagnais un prix avec ça, c'est toi qui aurais les sous, pas ton cramou. Je dirais cramou. Troisième info, Nike commercialise un nouveau poncho qui peut se transformer en quoi? Kix? En sac poubelle. Pas du tout. Ça serait génial, ça. Bah, c'est moche, un c'est poncho. Un peu sale. Bah, ça coûterait cher, surtout le sac poubelle. Et imagine s'il en faut des bleus aussi, en plus. Mais ils sont troués, du coup, un poncho, c'est troué, mince. Ah oui? Alors, faut pas que ce soit liquide, quoi. Un nouveau poncho qui peut se transformer en quoi? En pain de froid. Eh bien, en gilet de sauvetage. Non. Ok, super. Allez, merci. En tente. Oh, en tente, c'est super. Ça s'appelle Métamorph. Et en fait, c'est un poncho. Métamorph. Métamorph. Ouais. C'est un poncho anti-pluie 2 en 1 qui se transforme en tente de camping lorsqu'on le déplie, là, qu'on le. En tente, voilà. Donc, voilà. Ça coûte quand même cher. Ça coûte 492 €. Pardon, pourquoi c'est tu fais des bah c'est la métamorphe. Ouais, bah, et combien? 492 €. Jamais je mets ça là-dedans. Bah, c'est un poncho tente, quoi. Un poncho tente. Tu sais combien ça coûte une tente quechua qui se monte en 2 secondes? Oui, mais là, c'est un poncho. Ouais, super. Pour te geler les cacahuètes à moins 5? Ouais, parce que est-ce qu'il y a du tissu partout? Parce que si tu fais tente, c'est que t'as les fesses à l'air. Honnêtement, on dirait un sac poubelle géant, c'est long, ouais. Ça n'a pas de forme. On donne le bon point. Merci. Bonne réponse. Félicitations, Kix. Avec plaisir. Merci, Maëva. Avec plaisir. Je me sens moins bête là pour ma suite de semaine. Waouh, j'ai appris à sortir les poubelles en poncho et en tente. C'est un truc, mais super. Pardon, j'ai tout mixé peut-être? Peut-être. Oui. Tous les mercredis, c'est avec un bon morceau de gâteau. Et c'est avec Jadoul. En podcast. Bien voilà, merci Simone. L'heure est venue de jouer. Et ça faisait longtemps. Nous sommes le 1er mai. Qui dit 1er mai dit fête du muguet. Le travail, pardon. Une réponse. Mais on lui demande d'ailleurs, une réponse. J'ai pas eu mon bouquet de muguet de ta part, Jadou. Bah, tu veux de la muguet? Attends, il y a le chat là, on va lui retirer ses poils, on est très joyeux, voilà du muguet. Non, non, le bouquet de fleurs, le muguet. Et la petite clochette là. On offre ça le 1er mai aux femmes. Le 1er mai, ça se finit dans 2h10. Voilà. Allez. Désolé, Maëva, t'as plein d'autres choses dans la vie. Regarde, t'es en vie. En fait, là, c'est simple, c'est le jeu de la chanson. On va prendre une musique. Ouais. Enfin, un morceau de musique du duo French Fuse. C'est des artistes géniaux. Ils nous ont fait une magnifique reprise de Bambino et d'Astérix Mission Cléopâtre. Ce qui donne le jeu du pas content. Vous vous souvenez de cette musique-là? Ah oui, oui, oui. Nanana. Oui. Pas content, pas content. Et là, il faut compléter. Pas content, pas content. Il faut essayer d'être drôle. Pas content, pas content. Et respecter tous les temps. Pas content, pas content. Bon, c'est à l'impro. C'est fini, là, du coup, t'as fini le jeu. Ouais, bah, visiblement, ça, yes. À l'impro, là, ça a très bien marché. Soyez drôle, dans le rythme, ouais. Et on va dans le sens de la table. Attention, si quelqu'un se plante, on recommence et vous faites perdre du temps à tout le monde. Vous ralentissez le groupe. On ralentisse, ok. Et je t'emmerde. Et il répond en plus. Oh, attends, excuse-moi, coup de pelle. Hop là, pas content. On éduque les gens. Mince. Me faire tacler par ce compte Kix. T'es pas dans les temps, ça rentre pas, non, ça rentre voilà, pas. Voilà. Tu nous fais perdre du temps, Jadoul. Voilà, on démarre vraiment. On se concentre. Et c'est moi qui ouvre. Ensuite Maëva et ensuite Kix. D'accord? On tourne comme ça. Oui. Et à la fin, on termine tous ensemble, d'accord? Ok. Allez, on y va. La chaleur ne fait que monter. Pas content, pas content. Il fait chaud, j'ai transpiré. Pas content, pas content. T'inquiète pas, j'ai le nez bouché. Pas content, pas content. Comme le reste de l'année. Pas content, pas content. Pas d'effort les jours fériés. Pas content, pas content. Pourquoi je suis venu travailler? Kix! Kix! Non! Qu'est-ce que c'est? Kix! On m'appelle? Ah, je n'entends pas. Allô? Y'a quelqu'un? Bonsoir. Ah, on me dit que le score du foot, c'est 1-0 pour Dortmund. Bravo! Excusez-moi, je suis en correspondance ici actuellement. Je fais deux émissions en même temps, hein, vous m'excuserez. On peut pas avoir toutes les qualités, monsieur Jadoul. On va devoir recommencer. Tu freines le groupe. À ça de la fin. On dirait tes études. Eh, je tiens bon, hein, Eo. Oui, bah, on croise les doigts pour cette année, hein. Ce serait temps. Allez, tous ensemble. Et tu feras quoi après ces études? Oh, c'est une bonne question, ça. Je... Podologue. Podologue. C'est bien, c'est comme métier. On y retourne. La chaleur ne fait que monter. Il fait chaud, j'ai transpiré. T'inquiète pas, je l'ai bouché. Comme le reste de l'année. Pas d'effort les jours fériés. Pourquoi je suis venu travailler? Mais oh ça va pas. Cette équipe est à pleurer. On a tout pour servir. Oui, ça c'est sûr. Ce soir, c'est Jadoul qui pilote. Allez, merci de nous avoir choisi. Dans un instant, le Blend Clet arrive. Les pires reprises de TikTok pour nous faire jouer un immense Blend Test arrive. Ouais. On aura aussi les sorties du mois de mai. Le tour d'horizon de toutes les stories. Les stories. Les sorties sur toutes les plateformes. Vous trop allez bien. Voir, c'est génial. C'est Maëva qui nous a fait un petit résumé. Aux petits oignons. Aux oignons. Tous les mercredis. C'est avec Jadoul. Je faisais une petite réflexion, on se disait que dans le Nord, Dua Lipa, c'est Dua Lipo. Dua Lipo. Tu peux le dire pour le dire, c'est mieux. C'est Dua Lipo. Dua Lipo. Bah, de toute façon, on dit toujours un petit Dua Lipa et ça repart. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on se fait là? C'est quoi comme jeu là maintenant? Le meilleur. Non, c'est pas un jeu. Ah, c'est les sorties du mois de mai. Oh, nul. Chouette. Bon, bah, attends. On annule. Ok, on y va. Alors, attends, j'étais pas du tout en là-dessus. En vrai, c'est marrant ça, j'aime bien. Ça? Ouais. Bah, c'est trop rythmé, c'est pour les jeux ça. Hey, hey, hey. Les sorties du mois de mai. Allez, on y va, les sorties du mois de mai. C'est ça, bien. Tranquille, ouais. Ouais, c'est chill. Donc, le meilleur des sorties sur les plateformes de streaming et au cinéma de mai 2024. Donc, on commence avec le cinéma. On va retrouver The Fall Guy avec Ryan Gosling dans la peau d'un cascadeur de cinéma. C'est réalisé par David Leitch qui a notamment fait John Wick. Voilà, comme ça vous savez. Ce sera en salle le 3 mai. Pour les fans de Mad Max, la saga continue avec Furiosa qui sortira le 22 mai. Il y a un bon casting quand même parce qu'il y a Chris Hemsworth qu'on connaît tous pour le rôle de Thor et Anya Taylor-Joy qu'on a principalement découvert dans la série Le Jeu de la Dame sur Netflix. Vous vous souvenez? Non. Le jeu. Mais j'ai vu le titre, mais évidemment, j'ai pas regardé parce que tout le monde a regardé. En fait, moi, dès que c'est dans tendance, j'y vais pas. Ok, d'accord. Donc, sur Netflix. En parlant de Netflix, du coup, sur la plateforme, le 9 mai, ça sortira la série Botkin. C'est un mélange un peu particulier de thriller, comédie dramatique et d'humour noir avec un petit soupçon d'absurde. Pardon. C'est un groupe de podcasteurs, en gros, qui enquête sur la disparition mystérieuse de trois inconnus dans un petit village en Irlande. Voilà. Le 15 mai, je pense pas que je suis la seule à l'attendre avec impatience. La première partie de la saison 3 des Chroniques de Bridgerton rejoindra le catalogue. Alors, je parle bien de la première partie uniquement. Je pense que Netflix, ils aiment bien nous faire attendre parce qu'il faudra attendre le 13 juin pour avoir la deuxième partie de cette saison 3. Au programme, la romance naissance entre Colin Bridgerton et Penelope Fitterington. Oh, génial. J'ai hâte. Ça va être super, ça. Et toi, alors, tu te fais des soirées entre filles devant ça, je suis sûr. Non, oui, avec Dobby. Enfin, c'est pas une fille, mais... Dobby, c'est son chien. Dobby, c'est son horrible chihuahua. Là. Un pyjama bien moche en pilou. C'est ce que tu vas en faire du chien quand on y va? Non, moi, le chien, des plaids et Colline de Bridgerton. Et un jour, tu vas t'asseoir sur Dobby. Ah, j'ai déjà fait. Et voilà. Il résiste? Il est toujours là, il s'accroche. On dit toujours que c'est les choses les plus crades hein, qui restent. Soit, ça peut pas être pire. Hein, donc. Tu veux bien parler directement de mon fils, s'il te plaît? Soit il n'entend pas. Ah. Pour terminer avec Netflix... Oula, j'ai atteint une note. J'ai ma voix qui s'est décollée. Je Attendez. Pour terminer avec Netflix, on aura la série Ni Una Math, avec mon meilleur accent espagnol. Série espagnole, donc, qui pourrait... si pas battre égaler la série à succès Elite parce que ça traite de la libération de la parole chez les adolescentes, voilà. Mais non, mais c'est bien, ça sort le 31 mai. C'est toujours des trucs à défendre en ce moment les séries. Bah c'est intéressant. C'est d'ailleurs sur les violences sexuelles, etc., trop souvent banalisé. Enfin, je trouve que c'est un bon sujet. Oui, c'est intéressant, mais bon, pour ça, il y avait New York Unité Spéciale, voilà. Ils ont fait le taf. Ouais. C'est toujours des choses à défendre. De toute façon, maintenant, c'est simple. Regardez, alors, le meilleur truc, je peux t'interrompre? Oui, vas-y, je t'en prie. Il faut regarder Apple TV+. Apple TV+, vous allez dessus, systématiquement, chaque série, faites-le. Ayez une checkpoint, une checklist avec est-ce qu'il y a eu un Asiatique? Ok. Est-ce qu'il y a eu un Black? Ok. Est-ce qu'il y a eu une personne non-binaire? Ok. Est-ce qu'il y a eu un gay? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a eu un hétéro? Ok. Et en fait, il coche à chaque fois, mais sur toutes les séries, dans tout, toutes les cases pour vraiment respecter tout, heurter même dans les dessins animés et tout. Alors. Voilà, ça c'est ce que je déteste chez Apple TV, c'est pour ça que j'ai plus l'abonnement. C'est vraiment fait plaisir à tout le monde. C'est pas plus mal. C'est juste pour gratter un public. C'est juste pour que derrière ça, on dise pas hey. Et il n'y avait pas d'homme blanc. Ouais. Mais bravo. Mais si, parce qu'il y a des contraintes derrière. Ils savent très bien que s'ils vont se taper sur les doigts, des communautés, des machins. J'en ai ras le cul de tout ça, moi. Là, j'ai regardé un Simpson sur Disney. Les cigarettes étaient floutées. Oh là là, il y a des cigarettes. Oh là là, on sait pas ce qu'il fait avec ses doigts, là. Ouais. Apu, il peut plus parler comme. Apu, ouais, mais ça, ils l'ont conservé. Mais t'inquiète pas. Ah ouais, ils l'ont gardé au final. Ouais, mais t'as vu, dernière saison, saison 34, ils ont ajouté un gay. Ouais. Ah ouais, ça manquait. Mais non, mais je trouve ça fou de devoir systématiquement cocher des cases au lieu de raconter simplement une histoire. Mais oui. Mais c'est parce que les histoires actuelles, maintenant, il y a ça. Enfin, oui, je suis d'accord, mais ça fait partie de la société actuelle. Le James Bond. Avant, on n'en parlait pas et on le cachait, maintenant, c'est normalisé. C'est non, je suis d'accord, c'est important que tout le monde soit représenté, mais pas en même temps. Ouais, t'as l'impression que ça fait. J'ai pas envie qu'on fasse toujours un gâteau là, avec tout. Une salade de fruits. Il y a vraiment certains épisodes, je fais. Bon, alors, on n'a pas vu d'Asiati. Ah, si, voilà, c'est la patronne. Ok. Mais c'est ça. Ça m'entriste après. Vrai. Moi, je trouve ça bien parce que c'est tout le monde qui est représenté, mais pas en même temps, tout le temps, dans toutes les séries. Bref, continue. On passe à Amazon Prime. Alors, un peu de romance et de drame avec L'idée d'être avec toi. C'est une adaptation du roman éponyme, qui met en scène Anna Taoué en mère célibataire et Nicolas Galdzin dans le rôle d'un chanteur connu. Ils vont devoir rester ensemble. C'est beau. Oui. C'est disponible le 2 mai. Et on termine avec Disney+, nouvelle et énième ère pour Doctor Who qui revient sous forme de série le 11 mai. C'est autour de l'acteur N.Q.T. Gatwa, connu pour le rôle d'Eric dans Sex Education, le meilleur ami d'Otis. Je suis sûre que t'as pas regardé Sex Education. Bah parce que, bien sûr. Dans le rôle d'Eric. Eric, oui. Le meilleur ami d'Otis. Ah, Eric, pas d'Eric, parce que j'allais dire Antoine, il serait content de nous entendre. Il vient d'où, tu l'as dit, d'une native aquarium. Il s'appelle N.Q.T. Gatwa. Ah, je pensais que c'était sa nationalité. Non, mais oui, non, c'est son nom. Ok, d'accord. Bref, et ce sera lui, le nouveau Docteur Who. Il y a aussi le nouvel Avatar, La Voix de l'eau. Alors, pas si nouveau que ça, hein, ça fait plus d'un an qu'il était au cinéma, mais maintenant, il est sur. Enfin, il sera le 17 mai sur la plateforme. Et à noter aussi que la plateforme célébrera la journée mondiale Star Wars le 4 mai. Ah oui, c'est samedi, ça. Et du coup, vous savez pourquoi le 4 mai? Bah oui, le 4 mai, c'est la journée du muguet. Pourquoi le 4 mai, c'est la journée internationale de Star Wars? Ah bah oui, mais ça on savait, enfin. Oui, mais vas-y, dis-le nous. Oui. Hein? Basque. Mais hein? Avec. Vas-y. Je. Ah bah tu peux. Ne parle, vas-y. Parce attends, que attends, si vas-y. Non, mais je t'interromps. Non, moi, vas-y. Non, mais vas-y, parce que tu veux. Bon, mais ça va, je vais l'expliquer. Bon. C'est quoi la phrase culte de Star Wars? Je suis ton père. Non. Que la force soit avec toi. Je veux du vin. Ah non, okay. Que la force soit avec toi. Et en anglais, ça se dit May the force be with you. Et le 4 mai en anglais, c'est May the force. Fais-nous un peu Star Wars, vas-y avec la voix de Star Wars un petit peu pour qu'on ait un peu les frissons et qu'on. Non. C'est quoi la voix de Star Wars? Bah fais-la avec la voix de Dobby alors. On s'en fout, fais. Je suis ton père. Vas-y un peu en Maeva là. Je suis ton père. Non, c'était. Bon, avec la derrière de nouveau, il y a les pompiers là qui repassent dehors. Non, décidément, mais c'est un carnage. Elle est là. Vous entendez tout ce boucan qu'il y a tout à l'heure là. Waouh. Mais c'est fou, mais comment est-ce qu'on peut être sur un endroit aussi bruyant dans Bruxelles? Il y a plein d'endroits calmes, nous on est sur le seul endroit où il y a toutes les sirènes de la Terre. C'est insupportable. Bon, bref, qu'est-ce que tu disais? Je suis ton père. Je sais pas le faire. Non, je sais pas le faire. Non, c'est pas grave. Bon, ben merci Maëva. Avec plaisir. C'est gentil. Maintenant, on est au courant de tout ce qui va sortir et tout ce que je regarderai pas. Oui, parce que j'ai bien compris que t'étais un original. C'est ça. Voilà. Ça, c'est sûr. Original, comme au final, je vous disais que j'étais abonné à toutes les plateformes et je pense que je vais tout résilier et je vais en garder qu'une. Et laquelle? MyCanal. Oh. Parce que dessus, il y a OSS Classics. Et il y a aussi. Ciné plus famille. Et je crois, tu regardes quoi? Vas-y. Eh bien, je en tant qu'original. Je me suis refait l'intégralité des Bourvilles. C'était plutôt pas mal. Bien. Et il y avait aussi. Ah oui, mais fabuleux. Jacques Villeret aussi, mais des grands acteurs. Mais c'était génial. Ça doit être sympa les soirées avec toi. Pierre Richard. Mais je les ai tous faits. Le coup du parapluie. Mais tous, tous. Ils y sont, mais en qualité super. Ils ont été restaurés et tout. Trop bien. Je te file mes codes. Ah ouais? Cadeau. Comme ça. C'est sur quelle plateforme? MyCanal. Ah oui, on peut partager là, en plus il n'y a pas de contrôle. Ouais. Mais du coup, tu m'enverras les codes? Non.